Chapitre 11. Le même jour, vers 2 heures de l'après-midi, Juste André se présenta chez son ami Langlois pour prendre des nouvelles de la jeune mère. La sonnette emmitouflée qui ne rendait que des sons sourds et hésitants. L'air essoufflé et les joues cramoisies de la petite bonne ahurie qui vint ouvrir la porte. Les précautions inouïes avec lesquelles chacun s'efforçait de ne pas faire de bruit. Précautions dont le résultat infaillible était de heurter bruyamment les meubles et de faire claquer les portes. Tout trahissait cette gaucherie souriante qui signale partout l'arrivée du premier-né. Juste suivit la petite bonne, qui disparut soudain, et se trouva seule dans le petit salon où le désordre de la veille n'avait pas été réparé, où les volets encore fermés laissaient filtrer des rayons d'or, qui se glissaient sournoisement sur ses meubles couverts de poussière. Là aussi, tout était sens dessus-dessous. L'ouvrage mignon abandonné par Claire traînait sur le tapis, et le chat a vu la bonne fortune de brouiller le peloton à loisir car le fil ténu de laine blanche formait autour des pieds des chaises, par-dessus les canapés et les fauteuils, un dédale inextricable où se peignait l'ivresse triomphante du petit chat, devenu pour un soir le maître du logis. Le jeune ingénieur jeta un coup d'œil autour de lui, essaya de ramasser le peloton de laine, mais il abandonna aussitôt cette entreprise téméraire. Il fit ensuite 2 ou 3 pas d'un air gêné, car il entendait derrière toutes les portes des chuchotements confus, des allées venues répétées, et il se sentait de trop dans cette maison bouleversée. Il alla voir dans l'antichambre s'il ne rencontrerait pas une bonne, pour lui dire qu'il partait, en la priant de présenter ses compliments à ses amis, mais il ne vit personne. Il ne pouvait cependant pas s'en aller sans un mot de politesse. Il revint dans le salon, chercha une carte dans son portefeuille, et se préparait à y écrire un mot au crayon, lorsque la porte située en face de lui s'ouvrit toute grande, et dans l'éblouissement d'un rayon de soleil qui l'entourait d'un nimbe, apparut une jeune fille qui portait dans ses bras le nouveau-né enveloppé dans une longue robe blanche. Le visage de la jeune fille, penché sur l'enfant, se releva avec un mouvement d'une grâce exquise, et Juste vit 2 yeux bruns, très grands et très doux, dans un visage rosé par l'émotion. Un sourire hésitant flotta autour de la bouche un peu grande, mais pleine de bonté. Les cheveux blonds centrés qui entouraient le visage comme une auréole frissonnèrent pendant que la jolie tête s'inclinait, confuse. Juste André regardait, interdit, se demandant dans quel rêve il avait entrevu cette madone, et par quel miracle Chartres possédait à son insu une si belle personne. « Ma sœur m'envoie, monsieur, » dit l'apparition en pénétrant dans le petit salon. « Elle vous remercie de votre bonne visite. Mon beau-frère est sorti et voici le bébé. » À ce discours dénué d'artifice et de fleurs de rhétorique, Juste comprit qu'il se trouvait en présence de Mademoiselle Marguerite Verneau, la propre sœur de Madame Langlois. À son grand étonnement, cette découverte ne lui inspira pas la moindre éloquence. Incapable de trouver une phrase convenable pour répondre à son hôtesse, il fit 2 pas vers le petit paquet de linge immaculé qui représentait le premier-né des Langlois, et se pencha dessus en murmurant « Il est bien gentil. » Bien gentil n'était pas absolument le mot. Non seulement le bébé n'était pas plus gentil que les autres enfants de son âge, mais encore, il avait un petit nez écrasé parsemé d'imperceptibles points jaunes qui n'augmentaient en rien la beauté de son apparence. Néanmoins, Mademoiselle Verneau se pencha aussi vers l'enfant en renversant un peu la tête de côté et tout en écartant de 2 doigts avec une douceur infinie la brassière qui remontait autour du visage de la petite créature. « N'est-ce pas ? » dit-elle. Et ses yeux purs interrogèrent ceux de Juste André, qui répondit par un sourire. Elle rougit et reporta son regard sur l'enfant endormi, promenant ses doigts délicats dans les dentelles du bonnet, dans les plis de la longue robe, les yeux baissés, contemplant le petit visage avec une indicible expression de tendresse et de pitié, mêlée de pudeur et d'ignorance virginale. Ils restèrent ainsi 1 seconde, muets et embarrassés, sans savoir de quoi. Peut-être, entre ce jeune homme et cette jeune fille, était-ce la présence de ce petit être nouveau, venu dans la vie. Le jeune monsieur Langlois mit un terme à leur trouble en fronçant les sourcils, ou plutôt la place où il se dessinerait plus tard, d'une façon si menaçante que Marguerite le releva promptement, l'appuya contre sa joue et fit un mouvement pour rentrer dans la chambre de sa sœur. « Veuillez, mademoiselle, dire à Madame Langlois, » fit précipitamment Juste André, « que je suis très heureux de la savoir en bonne santé, que je lui fais tous mes compliments et que je la remercie de vous avoir chargé de me présenter ce jeune concitoyen. Je le lui dirai, monsieur, répondit Marguerite, et elle disparut. La porte se referma, et le salon parut au jeune ingénieur, noir et terne comme une cave. Il se dirigea vers l'antichambre et sortit. Pendant ce temps, le chat se glissa frauduleusement par la porte entrebâillée. Après une courte méditation, mis en gaieté par le souvenir de son triomphe incontesté de la veille, il reprit le cours de ses exploits avec le reste du peloton de laine.